Ils s'en sont allés aussi loin que leur bateau pouvait les emporter, pour savoir ce qu'on trouvait au bout de l'univers, pour savoir où finissait la mer. Ils se sont perdus entre le soleil et l'eau qui n'en finissait plus, accrochés dans les hauts vents, les yeux vers l'horizon, à deux doigts d'en perdre la raison. Pour pouvoir tenir, pour ne pas se laisser mourir, ce qu'il leur a fallu subir, le saura-t-on jamais. Mais Dieu leur a donné des princesses pour esclaves et des rois enchaînés, et les clés d'un paradis, d'un monde merveilleux, des empires aux trésors fabuleux, fabuleux. Ils étaient partis parce qu'ils devaient trouver le monde trop petit, dégoûtés par les amis, déçus par leurs amours, fatigués de vivre au jour le jour. Les uns sont restés et leurs noms sont maintenant appris les écoliers. Ils ont dû mourir un jour en contemplant au nu les étoiles d'un ciel inconnu. Certains moins heureux sont un jour revenus chez eux pour vieillir au coin d'un grand feu, dévorés de regrets. Mais d'autres partiront, et ce qu'ont fait leurs aînés, ceux-là le referont. Quand la terre n'aura plus aucun secret pour eux, ils iront conquérir dans les cieux ces Eldorado, ces immensités, dans leur fond cadeau, les aventuriers.